Chapitre 4. L'Hôtel du Cygne. L'Hôtel du Cygne, situé non loin de la gare Montparnasse, diffère peu des garnis qui logent à la nuit. La clientèle qui s'y renouvelle sans cesse est des plus panachées. On y voit des petits marchands de province qui viennent à Paris pour y faire leurs achats, des militaires qui se rendent en congé dans leur foyer, et des commis voyageurs sans emploi. Parfois aussi, des pickpockets choisissent ce gîte afin de pouvoir disparaître provisoirement lorsque les agents de la sûreté publique deviennent par trop gênants. Le maître de l'Hôtel du Cygne était un Normand aux épaules carrées et aux biceps musculeux. Il faisait lui-même la police de son établissement, et il la faisait si bien qu'il avait à diverses reprises facilité l'arrestation de filous émérites et de vagabonds de la pire espèce. Ce Normand se nommait Moulinet. Il était doublé d'une robuste gasconne, brune comme une mulâtresse, et d'une stature à faire rêver un tambour-major. Madame Moulinet avait dans ses attributions le règlement des comptes de ses locataires. Elle plaisantait peu sur l'article argent, la brave femme. Elle exigeait jour par jour et d'avance le paiement de ses chambres. On trouvait également à boire et à manger à l'Hôtel du Cygne. C'était là qu'un soir, et d'après les instructions du docteur Cabarrox, Scabieuse était descendue à la sortie du chemin de fer, ayant une valise à la main et suivie du brave Minos. Le terrible hôtelier fit d'abord des façons pour accepter comme pensionnaire le gigantesque compagnon de la négresse. Mais le Terre-Neuve paraissait si débonnaire que Madame Moulinet, qui est bien faible pour les bêtes, décida qu'on admettrait Minos, à la condition toutefois que sa nourriture serait payée à part. « Je suis bien pauvre, » dit Scabieuse, « mais tant que j'aurai un morceau de pain, je le partagerai avec le seul ami qui me reste. » Ce pauvre fit dresser l'oreille de la gasconne. « Ma petite, » répondit-elle à la jeune négresse, « Crédit est mort ici, et vous aurez à me payer d'avance une huitaine pour votre chambre, sinon vous pouvez chercher un domicile ailleurs. » Scabieuse sortit de sa poche une bourse bien usée et la vida dans les mains de la géante en cotillon, à l'exception de quelques pièces de menue monnaie, pouvant s'élever à la maigre somme de 4 ou 5 francs. « C'est avec ce qui vous reste que vous comptez vivre à Paris, vous et votre chien ?» lui demanda Madame Moulinet. « Dieu est bon, madame, » répondit la jolie négresse. « Avec son aide, j'espère trouver à me placer. »« Ah ça, quelle idée avez-vous eue, étant sans sou ni maille, de venir à Paris ?» lui dit l'hôtelier d'un ton bourru. Scabieuse avait son petit roman tout prêt, un roman sorti de la fabrique de Flavia, ayant pour prologue son départ de la Nouvelle-Orléans avec sa maîtresse, une tempête, un naufrage et la noyade de 12 passagers, sa maîtresse comprise, pour nœud. Puis, pour épilogue, un sauvetage par Minos, son arrivée au Havre et du Havre à Paris avec quelques dollars en poche. Ce roman, débuté avec diverses intermittences éloquentes de soupirs et de larmes, fut accepté comme véridique par le couple Moulinet. On le voit, tout avait été habilement mis en scène afin de faciliter l'entrée de la jeune négresse chez Madame de Valombreuse. Le docteur Cabarrox, le lendemain de l'entretien qu'il avait eu avec la duchesse, accourut rue de Varennes, muni de renseignements émanés de la préfecture de police, qui n'avait pas eu grand-peine, comme on doit le présumer, à trouver les traces de Scabieuse. Ces renseignements, qui étaient une seconde édition du récit mensonger fait par la négresse aux époux Moulinet, impressionnèrent vivement Ève et Marcel, et supplièrent leur mère de les conduire à l'Hôtel du Cygne. Le Normand fumait gravement sa pipe lorsque un landau richement armorié s'arrêta devant sa porte. Le bonhomme crut d'abord à une erreur. Aussi sa surprise fut-elle grande quand il vit le laquais qui se tenait derrière le landau s'élancer à terre et abaisser le marchepied. La duchesse descendit d'abord, puis ses deux filles. « Vous avez une jeune négresse dans cet hôtel ?» demanda Madame de Valombreuse à l'hôtelier tout ébobie. « Oui, madame, » répondit-il pendant que la gasconne s'avançait d'un pas majestueux pour recevoir ses aristocratiques visiteuses. « Est-elle chez elle ?» continua la duchesse. « Elle rentre à l'instant, brisée de fatigue, » reprit la géante. « Figurez-vous, ma bonne dame, que la pauvre chère créature, depuis 2 jours, va frapper du matin au soir à toutes les portes des bureaux de placement sans pouvoir rien trouver. « Conduisez-moi près d'elle, » répliqua Madame de Valombreuse. La femme Moulinet servit de cicérone à la duchesse et à ses deux filles. Lorsqu'on fut arrivé au 3e étage, l'hôtelière s'arrêta devant une porte et frappa. « Qui est là ? » demanda de l'intérieur de la chambre une voix douce. « Ouvrez vite, ouvrez, ma petite !» cria Madame Moulinet d'une voix de stentor à travers la serrure. La porte s'ouvrit et la jeune négresse apparut. « C'est elle !» firent simultanément Ève et Marcel. Scabieuse regarda les trois visiteuses avec un étonnement admirablement simulé. Le Terre-Neuve lui-même, comme s'il était de moitié dans cette comédie, ne quittait point les yeux de sa maîtresse et semblait lui demander ce que venaient faire ces trois étrangères. « Que désirez-vous, mesdames ?» dit Scabieuse en s'avançant d'un air timide. « Je vais vous la prendre, mon enfant, » répondit la duchesse, et sur un signe qu'elle fit à la géante, celle-ci se retira.